Le Rassemblement national conjoint de l'Organisation des enfants de Corée, consacré au 75e anniversaire de naissance du généralissime Kim Jong-il, s'est déroulé le 16 à la capitale Pyongyang. Y ont pris part les délégués des organisations des enfants de toutes les provinces, les élèves de la capitale et les enfants candidats à l'Organisation des enfants de Corée. Y ont été invités Choi Tae-bok, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, les officiers intéressés, les vétérans de guerre et les méritants. À la suite du rapport, il y a eu la cérémonie d'entrée à l'Organisation des enfants de Corée. Suivant la voie guide de Choi Tae-bok, les enfants ont prêté le serment avant l'adhésion à leur organisation. Les cadres, vétérans de guerre et méritants, leur ont noué le foulard au cou et accroché l'emblème de l'Organisation des enfants de Corée sur la poitrine. Il y a eu ensuite les interventions.